الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le lundi, le premier Dhul Qa'da de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 22 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam et de ce qui s'y rapporte d'après le livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullah qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler des chameaux du prophète alayhi salatu wassalam et de ses chevaux. Donc il avait alayhi salatu wassalam une chamelle qui s'appelait Al-Adba et une autre Al-Jad'a et une autre Al-Qaswa. Et selon Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, ces trois noms sont les noms d'une même chamelle qui avait trois descriptions différentes dont chaque nom correspond à une description de cette chamelle. Mais ça, c'est, comme a dit l'imam Ibn Kathir, c'est très étrange. Et comme cheval, il avait un cheval qui s'appelait As-Sakb. Vous constatez d'abord que tous les bestiaux qu'avait alayhi salatu wassalam avaient des noms. Il nommait ses chevaux, ses chameaux, son âne, Ufayr, son mulet, Ad-Duldul. Il donnait des noms à tous les animaux qu'il avait alayhi salatu wassalam. Donc son cheval, il s'appelle As-Sakb. Et c'est le premier cheval qu'il a utilisé, alayhi salatu wassalam, dans un combat dans le sentier d'Allah. Et il a fait une course sur ce dos de cheval également, As-Sakb. Il avait également un autre cheval qui s'appelait Al-Murtajaz. C'est la même chose avec Al-Mawali, Al-Ima. Quand on voit qu'il avait ses chevaux, ça ne veut pas dire qu'il les avait en même temps. Il avait un autre cheval qui s'appelait Al-Murtajaz. Il l'a acheté à un bédouin. Et celui qui a été témoin de cette vente, c'est Khuzaymah ibn Thabit, radiyallahu anhu. Il a pris un témoin dans cet achat. Alayhi salatu wassalam, c'était ce compagnon, Khuzaymah, radiyallahu anhu. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait trois chevaux. L'Azaz, Wad-Darib, Wal-Lukhayf. Et le dernier de ces chevaux, le septième, Al-Ward. C'était une femelle qui lui a été offerte par Tamim al-Dari radiyallahu anhu. Il avait également un mulet qui s'appelait Ad-Duldun, qui lui a été offert par le Cyrus, comme on a vu, le patriarche d'Alexandrie. Il lui a été offert, lui, ainsi que Marie al-Qibtiyya, de laquelle il a eu Ibrahim, son fils, alayhi salam, et il lui a offert également Shirin, la sœur de Marie al-Qibtiyya. Et Duldul, on l'a évoqué quand on a parlé de la bataille de Hunayn, car c'est le mulet que le prophète sallam a utilisé dans cette bataille de Hunayn. Il a utilisé ce mulet. Et le mulet, bien évidemment, il va pas aussi vite que le cheval. Et quand on en avait parlé, J'avais évoqué le courage du prophète Aïssa Salam. Tellement il voulait aller vite vers l'ennemi, la rencontre de l'ennemi, qu'il donnait des petits coups à ce mulet pour qu'il aille plus vite. Et son oncle Abbas et d'autres compagnons, ils tiraient le mulet pour qu'il n'avance pas vite, pour ne pas aller vers les ennemis vite. Et Duldul, c'est un mulet qui a vécu longtemps, jusqu'à faire tomber toutes ses dents. Et c'est Ali qui s'en occupait quand ce mulet a pris de l'âge et il lui ramenait des plantes douces, faciles à mâcher, et s'occupait de lui. Et après lui, celui qui l'a pris en charge, c'est Abdullah ibn Ja'far. Le prophète alayhi sallam également avait un âne qui s'appelait Ufayr. Et c'est sur cet âne qu'il a déjà fait monter Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Dans le hadith très connu, Mu'adh ibn Jabal, il disait qu'il était avec le prophète alayhi sallam sur un âne, tous les deux, il était derrière lui, et il lui a posé la question, ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Donc c'était cet âne, Ufayr, comme c'est rapporté dans certaines versions de ce hadith. Et le qadi Iyad, rahimahullah, il a dit que l'âne, il s'appelait Rufayr, et non pas Rufayr. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, comme a dit Nawawi, rahimahullah. Et l'imam Ibn Kathir a dit, plus étrange encore que ce que le qadi Iyad a dit, qadi Iyad, rahimahullah, il a rajouté juste un point. Au lieu de dire Rufayr, il a dit Rufayr. Et plus étrange, ce qu'a dit Abu al-Qasim al-Suhayli dans son livre Al-Rawd al-Unuf, dans lequel il a expliqué la sira d'Ibn Hisham. Il a dit que Ufayr, cet âne, a déjà parlé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit qu'il est le descendant de 70 ânes. Chacun d'entre eux a été monté par un prophète. Et qui s'appelle Yazid ibn Shihab. Et que le Nabi alayhi sallam l'a envoyé dans ses affaires vers ses compagnons. Donc ça c'est un hadith menti sur le prophète alayhi sallam, tout ça. Et Imam Ibn Kathir a dit, ça c'est caduque, et ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas été rapporté d'une voix authentique, ni faible. Ça veut dire que c'est rapporté sans chaîne de transmission. Et aucun parmi les hommes de science ne doute que ceci est un mensonge. Et le Qadi Iyad, rahimahullah, il l'a cité quand même dans son livre Shifa, malgré qu'il savait qu'il était menti, il l'a cité comme c'est quelque chose qui se rapporte au prophète alayhi sallam, malgré que c'est menti. Et l'imam Ibn Kathir a dit, ce qui était meilleur pour lui, c'est de ne pas le citer dans son livre extrêmement précieux, parmi les meilleurs livres qui ont été écrits dans les droits du prophète alayhi salatu wassalam sur sa communauté et le statut du prophète alayhi salatu wassalam et plusieurs points qui se rapportent au prophète alayhi salatu wassalam. C'est un des meilleurs livres dans le domaine. Mais il a cité certaines choses comme ça, malgré qu'il peut mentionner que c'est menti, mais le mieux, quand c'est un mensonge, il ne faut pas le citer que dans le contexte dans lequel l'imam Ibn Kathir l'a cité, pour mettre en garde contre ça, parce que ça se trouve dans les livres des savants. Mais si les savants n'avaient pas mis ça dans leur livre, on n'aurait pas besoin de faire cette mise en garde. Et on n'aurait pas eu besoin même d'évoquer des choses comme ça, qui peuvent être utilisées par les ennemis de l'islam pour critiquer le musulmin. Et le prophète, alayhi salam, à un moment, il avait une vingtaine de chamelles qui donnaient du lait. Il avait une centaine de moutons. À un moment, bien évidemment. Et parmi les armes, il avait, alayhi salatu wassalam, 6 épées. On commence par les épées, qui est l'instrument de guerre le plus précieux chez les Arabes. Il avait 6 épées, dont un, il l'appelait Dhul-Fiqar. Dhul-Fiqar. Et il avait 3 arcs. Et 3 lances également. Son épée Dhul-Fiqar, il a pris le jour de la bataille de Badr. C'était dans sa part du butin, alayhi salatu wassalam. Il avait 2 armatures et une protection et une bague et un verre. Qadah, on va dire un récipient en bois dans lequel il buvait, qui était épais. Il avait un drapeau noir, une bannière ou un étendard noir et un étendard blanc. Maintenant, il va parler, rahimahullah, de la description physique du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, dans sa description physique, que les savants ont fait beaucoup de livres à ce sujet. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits à ce sujet, le livre de l'imam Abu Isa al-Tirmidhi. Abu Isa al-Tirmidhi, qui est Muhammad Ibn Isa ibn Sawra al-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des plus grands élèves de l'imam al-Bukhari. Et son livre s'appelle Al-Shama'il ou Al-Shama'il al-Muhammadiyya, le titre complet. Al-Shama'il. Donc son livre, ça s'appelle Al-Shama'il. C'est parmi les livres les plus précieux qui ont été faits dans la description physique et dans la description de la moralité et le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un livre extrêmement précieux que je vous conseille d'étudier. Et ce qu'on va voir ici, c'est un résumé de ce livre. Mais dans ce livre, l'avantage, c'est qu'il y a, pour chaque point, il y a des hadiths. Et ce livre a été travaillé par l'imam al-Albani. Il a cité ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas dans ce livre. Mais la majorité de ce qui est cité dans ce livre est authentique, alhamdulillah. Et les savants ont suivi l'imam Tirmidhi. Après avoir fait ce livre, ils l'ont suivi, ils ont fait des livres également sur ce sujet. Et ils ont fait des livres plus volumineux ou plus petits que celui-là. Et comme j'ai dit, l'avantage du livre de l'imam At-Tirmidhi, c'est qu'il citait les hadiths avec les chaînes de transmission. Et ce livre a été expliqué d'une manière très très détaillée par Al-Hafidh Abu Al-Qasim Ibn Asakir. Et parmi ceux qui l'ont expliqué également une bonne explication, Al-Imam Abu al-Hajjaj al-Mizzi, qui est cheikh de l'imam Ibn Kathir. Et il a introduit cette explication dans son grand livre Tahdhib al-Kamal. Et vous pouvez trouver également des explications des hommes de science contemporains. Et Cheikh Abu Zakaria al-Nawawi, rahimahullah, dans son Tahdhib, son livre qui s'appelle Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, il a cité également un chapitre résumé au sujet de ce sujet que va nous rapporter ici l'imam Ibn Kathir. Il a dit que le prophète alayhi salatu wasalam, donc je vais lire en arabe et traduire. Il a dit كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير. Donc alayhi salatu wasalam, il n'était pas très très grand de taille, de manière à ce quand tu le vois parmi des gens, c'est lui que tu vois, le seul que tu vois, tellement il est très grand de taille. Il n'était pas très très grand de taille, comme il n'était pas petit de taille. C'est-à-dire qu'il avait une taille intermédiaire. Une taille intermédiaire. Mais comme c'est rapporté dans certaines versions, il se rapprochait plus de la grande taille que de la petite taille. Donc c'est une taille intermédiaire dans laquelle il se rapprochait, alayhi salatu wasalam, plus de la grande taille que de la petite taille. Et Nabi alayhi salatu wasalam, avant d'entamer ce point, c'est un élu. Il a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Mustafa, Mukhtar, il a été choisi et élu dans tous les points qu'Allah lui a donné. Dans sa description physique, dans sa moralité, son comportement, dans tout, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, ce qu'on va voir comme description physique, ça c'est l'idéal chez les hommes. Ce que vous allez lire aujourd'hui avec dans la description du prophète alayhi salatu wassalam physique, c'est l'idéal chez les hommes. Donc ça, c'est par rapport à sa taille. Également, par rapport à sa couleur de peau, il a dit « وَلَا الْأَبْيَدِ الْأَمْهَقِ وَلَا الْآدَمِ » Donc, il n'était pas très très clair de peau, comme il n'était pas foncé, noir ou foncé, alayhi salatu wassalam. Et sa couleur, comme c'est décrit dans d'autres hadiths, la couleur de peau du prophète alayhi salatu wassalam, il était, c'est ce qu'on appelle la couleur des Arabes. C'est pour ça qu'on dit Araba. On dit Araba, ça veut dire il a eu un enfant dont la couleur de peau est comme la couleur de peau des Arabes. Et la couleur de peau des Arabes, ils sont pas foncés, mais elle se rapproche plus du blanc mélangé avec un peu de rougeur. Et si vous voyez les Arabes, c'est comme ça leur couleur de peau. Ils sont pas très clairs comme les gens de Cham ou les Européens. Mais ils ne sont pas très foncés non plus. C'est comme les Yéménites, comme les Arabes de la péninsule arabique. Ainsi était sa couleur de peau, alayhi salatu wassalam. Et par rapport à ses cheveux, il a dit « Wala al-ja'di al-qatati wala al-sabti » Donc, par rapport à ses cheveux, il n'avait pas les cheveux crépus, comme il n'avait pas les cheveux lisses. Donc, c'était entre les deux. Ce n'était pas des cheveux crépus, comme on peut voir chez les Africains ou autres, comme ils n'étaient pas lisses, comme on peut voir chez les Européens. Celui qui avait les cheveux crépus, c'était Moussa alayhi salam. Et il avait une couleur de peau un peu foncée. Et Isa alayhi salam, il avait la couleur de peau très très blanche et les cheveux très très lisses. Nabi alayhi salam, il a décrit, il a dit, comme s'il sort d'une douche. Comme s'il vient de se laver les cheveux. Tellement ils sont lisses. Et il est décédé, alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'y avait pas dans sa tête une vingtaine, yani à peine il y avait une vingtaine de poils blancs entre la barbe et les cheveux. Entre sa barbe et ses cheveux, quand il est décédé à l'âge de 63 ans, il avait à peine une vingtaine de poils blancs entre la barbe et les cheveux. Alayhi salatu wassalam. Wa kana hasan al-jismi ba'ida ma bayna al-mankibayn. Et il avait un bon physique et ses deux épaules étaient distantes. Il avait les il était large, alayhi salatu wassalam. Il était large. Et ses cheveux lui arrivaient jusqu'au niveau des épaules. Et quand il les coupait, ça arrivait jusqu'au lobe de l'oreille. À peu près au niveau des oreilles. Et il les rasait dans le pèlerinage et dans l'umrah. Et des fois, ça pouvait être plus court. Vous savez que Nabi alayhi salam, au début de l'islam, il aimait ressembler aux gens du livre et se différencier de Quraysh, car ils étaient plus proches de la vérité. Les gens du livre sont plus proches de la vérité que les païens et les polythéistes, malgré que tous les deux, ce sont des mécréants. Donc il aimait au début de l'islam ressembler aux gens du livre et se différencier de Quraysh. Mais par la suite, il a changé, alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses qu'il faisait, au début il faisait une raie. Quand il se coiffait, il faisait une raie au milieu des cheveux comme les gens du livre. Et après il a arrêté de le faire. Il faisait revenir ses cheveux vers l'arrière, alayhi salatu wassalam. Il avait une barbe très épaisse, une grande barbe, qui se voyait de derrière. Si tu le regardais, alayhi salatu wassalam, du derrière, tu voyais sa barbe. Et au niveau des mains, alayhi salatu wassalam, ses doigts étaient épais et larges. Il avait des grandes mains. Et son ossature, alayhi salatu wassalam, était également imposante. C'est-à-dire qu'il était costaud, alayhi salatu wassalam. Il était fort physiquement. Et au niveau de sa tête, il avait une grande tête, alayhi salatu wassalam. Il n'avait pas une petite tête, une grande tête adéquate avec son corps et sa corpulence. C'est pas comme quelqu'un qui a une grande tête, mais il y a un écart entre la tête et le corps, le reste du corps. il y avait une harmonie dans son corps, alayhi salatu wassalam, mais sa tête, c'était pas une petite tête. Et tout ça, yani, quand vous imaginez, ça vous donne la description d'un homme qui est très fort physiquement et qui a une forte corpulence. Et qui n'est pas maigre, mais qui n'a pas de gras non plus. Qui n'a pas de gras. Au niveau de son ventre, alayhi salatu wassalam, il avait le ventre plat, au même niveau que sa poitrine. Il n'avait pas un bide, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a dit au niveau de la forme de son visage, il a dit fi wajhihi tadwir ad'aj al-aynayn tawil ahdabihima fi wajhihi tadwir ad'aj al-aynayn tawil ahdabihima ahmar al-ma'aqi. Bien évidemment, ces mots, si on revient pas à un dictionnaire, à mu'jam, je ne saurais pas la signification de la plupart de ce qui est rapporté dans la description. Pour ça, les savants, tous les savants, comme Al-Hafid Abdel Ghani Al-Maqdisi, les savants qui ont parlé de, même l'imam Abu Isa Tirmidhi, dans Shama'il, il donne des explications à ces termes. Donc, fi wajhihi tadwir. Au niveau de son visage, vous savez que au niveau des visages, il y a des gens qui ont le visage long. Il y a des gens qui ont le visage arrondi. Il y en a qui sont entre les deux. Donc, lui, alayhi salatu wassalam, c'était entre les deux. Il n'avait pas le visage, la forme du visage complètement arrondi, ni très long. Mais c'était يعني, entre les deux. أدعج العينين. Ses yeux, il y avait de la noirceur dans ses yeux. Il y avait de la noirceur dans ses yeux. يعني, الأدعج, c'est celui qui a les yeux يعني, noirs et l'intérieur blanc, très noir. On appelle ça da'aj. Et ça, c'est une grande qualité, et un signe de beauté. Chez les Arabes, en tout cas. Ses sourcils étaient longs. Ses sourcils, alayhi salatu wassalam, étaient longs. Et l'arrière de ses yeux, quand tu vois le fond, il y avait un peu de rougeur. Alayhi salatu wassalam. Dha masraba, ou masruba, dha masruba. C'est-à-dire, au niveau de son ventre et sa poitrine, il avait un trait de poil qui descend d'en bas de sa poitrine et qui fait le ventre. Mais il ne monte pas sur la poitrine. Sur la poitrine, il n'avait pas de poil, alayhi salatu wassalam. Mais ça commençait juste en dessous de la poitrine et ça descend. Ça fait tout le ventre. Un seul trait. Quand il marchait, alayhi salatu wassalam, إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. Quand il marchait avec force et détermination. Il n'était pas mou dans sa démarche. Ou là, il traînait ses pieds. Il était déterminé dans sa démarche. Et il marchait avec une certaine force. Et ça, c'est le signe d'un homme déterminé. Et il marchait vite également. Il marchait vite sans courir, sans faire d'efforts. Mais les compagnons qui étaient avec lui, comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quand il voulait rester yani, proche de lui, quand il marchait avec lui, ils étaient essoufflés pour garder le même rythme que lui. Alors que lui, il ne courait pas, il marchait seulement. Mais il y avait une force dans sa démarche, alayhi salatu wassalam. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كأن وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام. Son visage était radieux et illuminé, éclairé comme la lune dans la nuit de pleine lune. Son visage était comme la lune. Comme a dit le compagnon, et il était plus beau que la lune, alayhi salatu wassalam. Hassan al-Sawti. Ici, il a dit qu'il avait une voix, une belle voix. Dans d'autres riwayat, dans d'autres versions, il est rapporté qu'il avait une voix grave, alayhi salatu wassalam. Il n'avait pas une voix aiguë. Il avait une voix grave, alayhi salatu wassalam. Et ses joues étaient au même niveau que le visage, aplati. Dali al-fam. Et les Arabes, ils louent la bouche, yani une grande, yani une bouche assez grande. Et ils voient comme un défaut d'avoir une toute petite bouche. Chez les Arabes. En général, celui qui a une grande bouche, il peut être plus facilement éloquent dans son discours. Il arrive à articuler beaucoup plus facilement que celui qui a une petite bouche. En tout cas, les Arabes, ils louaient l'homme ayant une grande bouche. Yani dans sa taille, bien évidemment. سواء البطن والصدر. Ça, je l'ai cité. Il avait le ventre au même niveau que la poitrine. C'est-à-dire, il avait le ventre plat. Il n'avait pas de bide. Allez, salatu wassalam. أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر. Il avait des poils au niveau des épaules et au niveau de ses bras. Et sur la partie supérieure de sa poitrine. Donc il y a des versions qu'il avait des poils sur la partie supérieure, et dans d'autres versions, il n'en avait pas, comme j'ai cité précédemment. طويل الزندين رحب الراحة. Donc ça, c'est pour décrire la carrure qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Et pour dire qu'il était fort physiquement, il était large entre les deux épaules et il avait des grandes mains et des grands pieds, comme on va voir après. Tous ses membres étaient grands, alayhi salatu wassalam, mais dans une harmonie avec le reste de son corps, alayhi salatu wassalam. أشكل العينين منهوس العقبين أشكل العينين c'est-à-dire que il avait des grands yeux noirs blancs منهوس العقبين. Et dans ses talents, il avait les talents fins. Et ça, c'est yani des grands pieds, mais c'est pas les pieds de quelqu'un qui est obèse ou qui est gros. C'est yani des membres costauds. Il était costaud, mais il n'y avait pas de graisse. Il n'y avait pas de graisse chez lui, alayhi salatu wassalam, et les formes de ses membres aussi étaient des belles formes. Pour ça, ils ont dit que ses talents n'étaient pas remplis en chair. Et ça, c'est la description d'un homme sportif. Si vous voyez les sportifs aujourd'hui, ils sont comme ça. Et ça aide à courir. Les gens qui sont comme ça, en général, ils arrivent à courir plus facilement. Et de manière générale, c'est la description des hommes sportifs. بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة. Et entre les deux épaules, il avait, alayhi salatu wassalam, le tampon de la prophétie, ou le sceau de la prophétie. Il avait comme un tampon. Et ça, c'était quoi? En réalité, c'était quelque chose de taille comme l'œuf d'un pigeon. Et comme une pièce d'un euro. Là, pour ceux qui sont au Maroc, comme une pièce d'un dirham. C'était comme ça, et sur le contour, il y avait des grains de beauté dans lesquels il y avait des poils. Et ça, c'est ce qu'on appelle Khatamun Nubuwa. Et tous les prophètes, ils avaient ce signe, le sceau de la prophétie. Et quand il marchait, comme si la terre se plie pour lui. C'est ce que j'ai évoqué précédemment, c'est que il marchait vite, sans faire beaucoup d'efforts, alayhi salatu wassalam, au point où ses compagnons, ils faisaient beaucoup d'efforts pour le suivre, et ils étaient essoufflés, alors que lui, il ne faisait aucun effort. Et au début, alayhi salatu wassalam, il se coiffait, il laissait tomber ses cheveux vers l'avant. Il ressemblait aux gens du livre. Et après, il a fait l'arrêt, en ressemblant à Quraysh. Peut-être quand je l'ai dit précédemment, j'ai inversé. Donc il a fini par faire une raie en se coiffant comme Quraysh. Et il coiffait sa barbe. Il coiffait sa barbe. Il mettait de l'huile dans la barbe et dans les cheveux, alayhi salatu wassalam. Mais il a ordonné de se coiffer pour les hommes, bien évidemment. Pour les hommes, il a ordonné de se coiffer un jour et de ne pas le faire un jour. Yani le sens, c'est de ne pas le faire tout le temps. Parce que s'occuper de sa beauté, de soi-même, ça c'est parmi les caractéristiques de la femme et non pas de l'homme. C'est parmi les caractéristiques de la femme et non pas de l'homme. Se regarder souvent dans le miroir, des choses comme ça c'est pour les femmes et pas pour les hommes. La beauté de l'homme, c'est dans son attachement à sa prière en groupe, c'est la propreté de ses vêtements, et c'est son courage, son bravoure, le respect de sa parole. C'est ça la beauté de l'homme. Et la femme, sa beauté, c'est l'embellissement au hajj. أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. Ainsi Allah Azza wa Jal a décrit la femme. Il a dit, أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. Dans le sens approximatif, élevé, yani en parlant des femmes, Allah Azza wa Jal dit, élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, n'ont pas l'argumentation claire. En parlant des femmes. Yani, elles sont élevées au milieu des parures. C'est ça qui nous intéresse ici. Yani, la femme, elle s'embellit. Et ça fait partie de ses qualités. Ça, ça fait partie de ses qualités. C'est pas un défaut. C'est une qualité quand elle s'embellit pour ceux pour lesquels elle a le droit de le faire. Malheureusement, à notre époque, illa man rahimallah, on constate l'inverse. La femme chez elle, elle sent toujours l'oignon, l'ail, qu'Allah l'aide. C'est pour préparer à manger à sa famille, tout ça. Mais il faut pas qu'elle se néglige. Et pire encore, celle qui sent comme ça à la maison, mais elle ne s'embellit que quand elle veut sortir pour les hommes à l'extérieur. Par contre, son mari à la maison, c'est bon, il est dans la poche. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Elle risque pas de le perdre. Et ça, c'est faux. La femme croyante, elle s'embellit pour son mari, dans son foyer. Elle se parfume quand elle finit ses tâches ménagères. Et c'est, comme j'ai déjà entendu d'hommes de science, la question de la femme chez elle, c'est une question d'organisation plus qu'autre chose. Et on s'éloigne des péchés, Allah, il lui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Parce que des fois, la femme, elle se plaint, j'ai pas le temps, comment je vais faire ça, comment je vais apprendre ma religion, comment je vais m'occuper des enfants, du mari, de, il a besoin de ça, lui, il a besoin de ça. Trop de choses. Ça, c'est un manque d'organisation. Et des fois, ça peut être à cause de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lève la baraka de sa vie. Donc, c'est une question d'organisation. Consacrer un temps pour les membres de sa famille, leur préparer à manger, ce qu'il leur faut. Consacrer du temps pour elle-même apprendre sa religion, mémoriser ce qu'elle peut mémoriser dans le Coran, ne serait-ce qu'un verset par jour. Faut pas minimiser un verset. Elle se prend un quart d'heure pour mémoriser un verset par jour. Et pour la sœur qui ne maîtrise pas encore l'arabe, elle mémorise du vocabulaire, 2 mots, 3 mots par jour. En 1 an, elle parlera l'arabe, bi'idnillah. Et elle pourra écouter des cours en arabe. Ça, si on s'imagine une sœur qui n'a pas de cours à côté d'arabe. Rien qu'avec ses moyens, avec une lecture régulière de le Coran, et mémorisation d'un verset, mémorisation de 2 à 3 mots par jour d'arabe, bi'idnillah, elle va apprendre l'arabe. Et après, elle s'initie à écouter des cours, ça va l'aider dans son apprentissage de l'arabe également, en plus de son apprentissage dans la religion. Donc, tout est question d'organisation et de soutien d'Allah. Est-ce que Allah facilite ? C'est ça qui est facile en réalité. Est-ce que Allah ne facilite pas ? C'est ça qui est difficile pour nous qu'on n'arrive pas à faire. Donc, je disais que le prophète, il peignait sa barbe, il se coiffait et il mettait de l'huile dans ses cheveux, dans sa barbe, et il mettait du kohl. L'imam Ibn Kathir a dit chaque nuit, 3 dans chaque œil. Il mettait 3 fois dans chaque œil. Alayhi salatu wassalam. Et le kohl pour l'homme, c'est pas pour sortir d'or. C'est un remède. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il le mettait avant de dormir. Le kohl, c'est pour s'embellir, c'est pour la femme, et non pas pour l'homme. Comme certains de nos frères qui mettent du kohl et qui sortent d'or. Le kohl, ça se met avant de dormir, c'est un remède pour les yeux. Et le meilleur de le kohl, c'est l'ithmid, si tu arrives à le trouver. Et parmi les vêtements qu'il préférait, al-qamis, et des couleurs, il préférait la couleur blanche, et il préférait aussi l'hibara. Hibara, c'est des vêtements du Yémen, dans lesquels il y a un peu de rougeur, de couleur rouge. Et la manche de son kamis arrivait au poignet. Ça dépassait pas les poignets. Ça, c'est la sunna. Et des savants qui voient que c'est obligatoire. Et que dépasser les poignets, même dans les bras, ça fait partie de l'isbal. Mais de toute manière, c'est ça la sunna. Et une fois, il est rapporté qu'il a porté une tenue rouge, de couleur rouge, en 2 pièces. Les 2 étaient de couleur rouge. Et il dit qu'il a apporté deux vêtements également de couleur verte. Quand ils disent couleur rouge, ça ne veut pas dire rouge uni, parce qu'il est rapporté de lui qu'il a interdit le rouge uni, mais dans lequel il y avait du rouge, comme le vêtement qu'on a vu précédemment, al-hibara. Et à un moment, il a porté un vêtement avec des manches un peu serrées au niveau des poignets. Et il a porté l'imama, alayhi salatu wa salam, une imama noire. Il a laissé, yani l'imama, elle a deux côtés. Quand tu la mets sur la tête, il reste deux côtés. Il laissait un côté tomber entre ses deux épaules sur son dos. Et il avait une bague, alayhi salatu wa salam. La bague, il l'a prise quand ils lui ont dit que tous les hommes importants, ils ont quelque chose pour tamponner leur courrier, pour qu'on sache que ça vient d'eux. Et c'est là où il a pris une bague sur laquelle il a demandé à ce qu'on lui grave Muhammadur Rasulullah. Et il l'utilisait également pour tamponner ses courriers. C'était une bague en argent. Et il portait al-khuf. Khuf, comme on a vu les souliers, ce qui descend en dessous de la cheville. Il portait na'l également. Il portait un na'l. Na'l, c'est les chaussons. Ça peut monter jusqu'à la mi-jambe. En général, na'l, c'est en cuir, avec des lacets. Donc, ce que Nawawi rahimahullah a cité dans son livre s'arrête ici. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, il poursuit. Il a rapporté hadith Anas radiallahu anhu. Il a dit, je n'ai jamais touché. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Anas radiallahu anhu a dit, je n'ai jamais touché une soie plus douce que la main du prophète alayhi salatu wassalam. Et je n'ai jamais senti un parfum plus bon que l'odeur du corps du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai servi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit ouf. Et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Ni une chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et ça, c'est immense. Ce hadith, il a une signification très très forte dans l'excellence de Nabi alayhi salam dans le comportement. C'est le summum. Parce que être un maître, écouter, obéir, et se comporter ainsi avec un de tes servants et de tes serveurs, ceux qui sont à ton service, et se comporter ainsi pendant 10 ans, pas une seule faille, c'est agib. On aura du mal à être comme ça avec la personne qu'on aime le plus sur terre, et qu'on admire le plus sur terre, et qu'on estime le plus sur terre. Subhanallah. Nabi alayhi salam, avec son statut extrêmement élevé, regardez comment il se comporte avec un enfant. Bien évidemment, il faut s'imaginer que Anas, il est venu chez le prophète alayhi salam, il avait 10 ans. C'était un enfant. Et il est resté avec lui 10 ans, ça veut dire il est décédé, il avait 20 ans. Et un enfant, comme Anas lui-même, il a rapporté dans des hadiths authentiques qu'une fois, Nabi alayhi salam l'a envoyé dans une mission, il est parti, il a trouvé des enfants jouer, il a joué avec eux. Jusqu'à ce que Nabi alayhi salam est venu derrière lui, il l'a trouvé en train de jouer, il lui a dit, va faire ce que je t'ai dit de faire. Pas plus. Il ne l'a pas réprimandé, ni blâmé, ni grandé. Voilà. 10 ans, il ne lui a jamais dit pour une chose qu'il a fait, pourquoi t'as fait ça? Une chose qu'il n'a pas fait, pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est impressionnant ce hadith. Quand vous le méditez, ça vous donne une grande idée sur l'excellence du comportement de Nabi alayhi salatu wassalam. Et le comportement, l'imam Ibn Kathir va l'aborder dans le chapitre suivant. Ensuite, Il a rapporté également, selon Abdullah ibn Salam, quand le prophète alayhi salatu wasalam est venu à Médine, Abdullah ibn Salam, si vous vous rappelez, c'est cet homme parmi les grands savants juifs de Médine qui est entré dans l'islam. Il a dit quand le Nabi alayhi salatu wasalam est venu à Médine, les gens sont venus le voir. Et il a dit, quand j'ai vu son visage, j'ai su que son visage n'est pas le visage d'un menteur. Ça, c'est un grand savant qui parle, qui a énormément de science et de ilm. Rien qu'à voir le visage du prophète, il savait, et les Arabes, ils savaient ces choses-là. Il y a toute une science à ce sujet. Toute une science à ce sujet, où tu arrives à deviner certaines choses chez la personne avec son physique, avec ses gestes, avec sa façon de parler, avec sa façon, des choses comme ça. Mais on peut pas être sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui est développé, cette science, elle est développée avec l'expérience. Avec l'expérience. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai su que son visage n'était pas le visage d'un menteur. Sallallahu alayhi wa sallam salatan da'imatan ila yawmiddin wa sallam tasliman kathira. Qu'Allah fasse ses éloges d'une manière permanente jusqu'au jour de la rétribution et qu'Allah lui accorde son salut. Par rapport à la description physique de Nabi alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadith qui ont été rapportés, qu'a cité l'imam Tirmidhi, ou les savants les ont cités dans leurs livres également, mais les deux qui ont le mieux décrit le prophète alayhi wa sallam sont deux personnes. Ceux qui ont décrit le Nabi alayhi wa sallam physiquement d'une manière très précise et très détaillée et très pointueuse, ce sont deux personnes. La première, c'est une femme qui s'appelle Umm Ma'bad al-Khuza'iyya. Cette femme, si vous vous rappelez, c'est quand Nabi alayhi salam est sorti dans le Hijra avec Abu Bakr radiallahu anhu, ils se sont arrêtés chez une femme dans le désert, sur leur route. Ils avaient soif, ils avaient faim. Ils se sont arrêtés chez cette femme qui avait deux tentes dans le désert, et qui était dans une grande pauvreté, avec laquelle, qui a vu des choses étonnantes de Nabi alayhi salam. Et rien n'est rapporté par rapport à est-ce qu'elle est entrée dans l'islam ou pas. Mais c'est un hadith, sa description de Nabi alayhi salam est rapportée dans beaucoup de livres de la sunna. Parmi ceux qui l'ont rapporté, l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul al-Sunna wal-Jama'a, Hakim dans le Mustadrak, Al-Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir, Ibn Kathir dans le Bidaya wa al-Nihaya. Et c'est un hadith qui est, qui est accepté par les savants. Il est rapporté de tellement de voix et de narrations qui permettent de dire qu'il est accepté. Je vais vous lire rapidement. Donc, la première, c'est Umm Ma'bad. Le deuxième, c'est un homme qui s'appelle Hind ibn Abi Hala. Hind ibn Abi Hala. Et c'est un homme qui était spécialisé dans la description des gens. C'est comme, si vous pouvez dire, entre parenthèses, c'est comme si c'était son métier. Et je ne me rappelle pas lequel des compagnons lui a demandé, parmi les jeunes compagnons, lui a demandé de lui décrire Nabi alayhi salam. Et il l'a décrit dans un hadith long et très très précis également, car c'était sa spécialité. Et son hadith est rapporté dans Shama'il de l'imam Tirmidhi. Donc on va passer rapidement, quelques points de ces deux hadiths, pour voir les choses qu'on a loupées dans ce qui a été rapporté dans le livre de l'imam Ibn Kathir, et ce que Nawawi rahimahullah a cité également. Donc, Umm Ma'bad, elle a dit, j'ai vu un homme d'une beauté radieuse, son visage éclairé, qui a un physique, un excellent physique. J'ai oublié de préciser pourquoi Ummu Ma'bad a décrit Nabi alayhi salam d'une manière très détaillée, car elle était mécréante quand il l'a rencontrée alayhi salatu salam. Elle était mécréante de toute façon. Après, est-ce qu'elle est entrée dans l'islam ou pas, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, quand il l'a rencontrée, elle était mécréante. C'est pour ça qu'elle l'a regardée, qu'elle l'a, elle l'a bien vue. Et elle l'a bien décrit également. C'était une femme arabe éloquente. Quand vous lisez son hadith en arabe, elle est extrêmement éloquente. Et Hind ibn Abi Hala, parce que c'était sa spécialité et son domaine également. Par contre, les autres compagnons, yani la plupart d'entre eux, ils ne fixaient même pas de leur regard le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il disait, ils ne pouvaient le regarder en lui parlant que Abu Bakr et Omar. Nabi alayhi salatu wassalam, il avait yani une haïba, un charisme, en plus de le respect du prophète alayhi salatu wassalam, car c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wassalam. C'est pour ça que les sahaba, leur description de Nabi alayhi salam, c'est une description générale, de manière, c'est global d'une manière générale. Ils disent, il était plus beau que la lune. Mais après les détails, les formes de son visage, son physique, les choses comme ça, tu ne trouves pas beaucoup chez les compagnons, excepté Ali radiallahu anhu. Et Ali, peut-être qu'il a pris ça de Hind ibn Abi Hala. En tout cas, Ali radiallahu anhu également est rapporté de lui une description du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiallahu anhu, un peu également, mais pas comme Ummu Ma'bad et comme Hind ibn Abi Hala. Donc elle a dit qu'il y avait un excellent physique et qu'il n'avait pas un ventre, un bide au niveau du ventre ou là un relâchement dans le ventre, et c'était pas un homme faible physiquement, maigre. Non, il était bien rempli, alayhi salam. Il était bien rempli. Il a toujours pensé à un homme très fort physiquement et très costaud. Sans graisse, ça va vous rapprocher les sens. Ça va vous aider à vous imaginer. Avant que j'oublie l'importance de la description physique de Nabi alayhi salam, comme ça, si jamais tu le vois dans un rêve, tu sauras, est-ce que tu as vu le Nabi alayhi salam? Parce que Shaytan ne peut jamais venir avec l'apparence du prophète alayhi salam dans un rêve. Mais il peut venir avec une autre apparence et te dire qu'il est le prophète alayhi salam. Mais venir avec l'apparence du prophète alayhi salam, il ne peut jamais dans un rêve. Comme le Nabi alayhi salam nous a informé. C'est pour ça, salaf, quand quelqu'un venait leur dire, j'ai vu le Nabi alayhi salam dans un rêve, il lui demandait de le décrire. S'il arrive à le décrire, il lui dit, tu l'as vu. S'il n'arrive pas, il lui a dit, vas-y, t'as rien vu. Elle a dit ensuite, Ummu Ma'bad, qu'il n'avait pas une petite tête. Regardez, comment elle est précise dans sa description. Donc elle a dit, au niveau du ventre, il n'avait pas le ventre, un vide ou un relâchement dans le ventre. Il était tendu, alayhi salatu salam, ferme, voilà le mot que je cherchais, ferme. Et il n'avait pas une petite tête, comme on a vu précédemment. Et il était très très, très très beau, et très élégant, alayhi salatu salam, très élégant, alayhi salatu salam, très élégant et très éloquent, même si c'est pas ça qui évolue ici. Et au niveau de son visage, elle a dit que son visage était bien réparti. C'est-à-dire la forme des yeux en parfaite harmonie avec la forme du nez, la forme de la bouche. Tout était harmonieux chez lui, alayhi salatu wassalam. Dans ses yeux, il y avait une noirceur et avec des longs sourcils. Et il avait la voix grave. Regardez, elle a décrit la voix grave. Avant, on a vu une belle voix. Mais ce qui est voulu, c'est une voix grave. et il avait un cou un peu long. Il n'avait pas ni la tête directement sur les épaules. Et tout ça, c'est des beautés. Et comme le Mu'adhdhin, le jour du jugement dernier, il viendra en ayant le cou le plus grand cou. Mais comme je dis souvent, faut pas s'imaginer que ça sera comme une girafe. Non, c'est proportionnel au corps. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla va le distinguer des gens. C'est-à-dire, c'est une beauté. Amma, avoir un long cou comme la girafe, c'est pas une beauté. C'est un défaut. Et sa barbe était épaisse et grande. Au niveau des... j'ai dit, il avait des longs cils. Et au niveau des sourcils, elle a dit qu'ils étaient presque collés. Qu'ils étaient presque collés. Azaj Akran. Quand il ne parlait pas, tu voyais sur lui le respect. Quand il observe le silence, ça t'inspirait le respect vis-à-vis de lui. Et quand il parlait, t'entends des sagesses de lui, alayhi salatu wassalam. Elle a dit, il était le plus beau des hommes quand tu le voyais de loin. Et le plus doux et aimable quand tu t'approchais de lui. Ses paroles étaient douces, agréables à écouter. Il parlait d'une manière très claire. Il articule, et comme a rapporté notre mère Aïcha, il répétait la phrase trois fois. Ça lui arrivait de répéter trois fois la phrase, afin qu'on comprenne de lui ce qu'il dit. Et elle a dit, « La nazrun wa la hadrun ». Quand il parlait, il ne parlait pas beaucoup, jusqu'à te lasser. Mais il ne disait pas un mot, il s'arrête. Et ensuite, elle a commencé à décrire son physique. Elle a dit, c'est un homme de taille intermédiaire. Il n'était pas très grand de taille, ni petit de taille. Et ensuite, elle a décrit ses deux compagnons. Elle a dit qu'il était le plus beau des trois. Il y avait avec lui Abu Bakr et Abdullah ibn Urayqib, leur guide. Elle a dit, quand il parlait, ses compagnons l'écoutaient et tendaient l'oreille à ce qu'il disait. Quand il donnait un ordre, ils se précipitaient à lui obéir. Il était servi. Les gens se regroupaient autour de lui. Sinon, Hind ibn Abi Hala, ce qu'il a dit, c'est à peu près, ça se rapproche beaucoup de ce qu'a dit Ummu Ma'bad. Sauf que lui, quand il a parlé des sourcils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils n'étaient pas collés. Il y avait une distance entre les deux. Et entre les deux, il y avait comme une veine. Il a décrit son nez. Elle n'a pas décrit son nez, il a décrit son nez, il a dit que son nez aqna al-irnayn. Yani il avait le nez pointueux et fin et droit. Il n'était pas aplati, ni un petit nez. Il n'avait pas un petit nez, ni un nez aplati. Il avait un nez, yani, droit et pointueux également. Alayhi salatu wassalam. Et un tout petit peu courbé au milieu, son nez. Il y avait une toute petite bosse au niveau du nez. Et ça, c'est subhanallah, had le nez, c'est connu, had le nez, chez les Arabes, comme ça. Il a décrit également le bas de son pied, qu'il ne touchait pas le sol. Vous savez, la partie inférieure du pied, il y a des gens qui ont les pieds plats. La partie inférieure touche le sol quand il marche. Nabi Isa alayhi salam, non. Il avait cette partie surélevée du sol. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le pied plat. Voilà par rapport à ce qui a été rapporté au sujet de la description physique. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé de son comportement, alayhi salatu wassalam. Et bien évidemment, il a commencé avec surat al-qalam, dans laquelle Allah Azza wa Jalla a dit, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Donc dans cette sourate dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif, Nun par le qalam, la plume, et ce qu'ils écrivent, tu n'es certes pas, par la grâce de ton Seigneur, un fou possédé du démon. Tu auras certes droit à une rétribution sans fin, et tu es moralement très noble. Tu es doté d'une excellente moralité. Donc ça, c'est Shahid, pour lequel l'imam Ibn Kathir a rapporté ces versets. C'est la parole d'Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Était certainement d'une moralité très noble. C'est akhlaq, alayhi salatu wassalam. Et dans l'authentique de l'imam Muslim, Aisha radiallahu anha a dit, kana khuluqur rasul sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Le comportement du prophète alayhi salatu wassalam était al-Qur'an. L'imam Ibn Kathir a expliqué la signification. A dit, c'est-à-dire qu'il s'est tenu alayhi salatu wassalam à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, il l'a fait. Comme il s'est tenu à ce que Allah azza wa jal a ordonné de délaisser, il l'a délaissé. Et il est devenu, en s'exécutant tous les ordres de son Seigneur, le Coran est devenu comme un comportement pour lui et une nature. Qu'Allah fasse ses éloges, il lui accorde le salut jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la rétribution, afwan. Comme ça, il a dit l'imam Ibn Kathir. Donc, la signification que son comportement était al-Qur'an, c'est que tout ce qui est ordonné dans le Qur'an, il l'a mis en pratique. Et tout ce qui est ordonné de délaisser, il l'a délaissé. Donc, si tu veux connaître et voir la mise en pratique du Qur'an, regarde Nabi alayhi salatu wassalam. C'était la mise en application du Qur'an. Ordre par ordre, interdit par interdit. Et les ordres, ça englobe les ordres obligatoires et surrogatoires. Comme les interdits, ce qui est haram, illicite, et ce qui est déconseillé. Tout ça a été réuni dans notre prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a dit en décrivant le Qur'an, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Qur'an guide vers ce qui est meilleur. Donc, celui qui suit ce qui est dit dans le Qur'an, bien évidemment, qui va avoir le meilleur des comportements. C'est pour ça que le comportement du prophète, alayhi salam, était le plus noble de tous les comportements et le meilleur de tous les comportements. Ainsi, il était le plus courageux de tous les hommes. Et son courage atteignait son apogée et son maximum dans les combats. Tu peux trouver un homme courageux, mais quand il est face à des situations très très difficiles, même s'il tourne pas le dos et il fuit pas, son courage va diminuer un petit peu. Nabi alayhi salam sallam, il est décrit que son courage était au maximum dans les moments où il y avait besoin de courage, dans les guerres et dans les batailles. Alayhi salatu wassalam. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans plusieurs batailles. Et il était le plus généreux de tous les hommes. Alayhi salatu wassalam. Et sa générosité atteignait son maximum pendant le mois de Ramadan. Et surtout après sa rencontre avec Jibril, alayhi salam, dans laquelle il lui fait réviser le Coran. Et c'était l'homme qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala et qui est le plus éloquent dans ses propos, alayhi salatu wassalam, et celui qui a le plus grand conseil pour les gens et qui porte le plus conseil pour les gens. En plus de ça, il était l'homme le plus intelligent vis-à-vis des gens et le plus patient vis-à-vis des gens. Et celui qui a réuni ces quatre points, c'est celui-là qui doit être suivi. Il a l'ilm et il s'exprime avec éloquence et il porte conseil et tout ça avec une patience et indulgence. Alayhi salatu wassalam. Et il était le plus modeste des gens. Et sa modestie ne le faisait pas tomber dans une humiliation. Et c'est pas la modestie qui te fait tomber dans l'humiliation. C'est une modestie dans laquelle tu le respectes. Alayhi salatu wassalam. Parce que, de manière générale, chaque bon comportement se trouve entre deux extrêmes. Chaque bon comportement est un juste milieu entre deux extrêmes. Le courage se trouve entre la fougue et la peur. Quelqu'un qui est peureux et l'autre inverse, quelqu'un qui ne tient pas compte ni des dangers et des risques, il se lance dans des choses dans lesquelles il expose sa vie au danger. Ça, c'est pas le courage. Comme la générosité, elle se trouve entre l'exagération, et l'exagération, c'est pas fisabilillah d'Allah. C'est une générosité pas à sa place. Ce qu'on appelle israf. Ça arrive au gaspillage. Et l'avarice. Ash-shuh wal-bukhl. Chaque bon comportement se trouve entre deux extrêmes. La modestie, c'est pas se laisser humilier. Qayla bint Makhrama, radiallahu anha, a dit dans son hadith, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, elle a dit, quand j'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui était en plein dévotion, tout en étant assis, j'ai tremblé, tellement j'ai eu peur. J'ai tremblé, tellement j'ai eu peur. Ce hadith, et Hassan, le Nabi alayhi salam, ça lui est arrivé avec un homme. Quand il l'a vu, il a tremblé. Il lui a dit, calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à Mecca. Et ça, c'est sa modestie, alayhi salatu wassalam. Il s'est rapporté quand il est entré à Mecca, ça on l'a vu également, il est entré en baissant sa tête, alayhi salatu wassalam, par modestie vis-à-vis d'Allah Azzawajal, car c'est la cité sacrée d'Allah. Il est entré avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il baissait tellement sa tête que sa barbe arrivait sur sa poitrine, alayhi salatu wassalam. Et il était très pudique. Ils ont rapporté qu'il était plus pudique, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'authentique de l'imam muslim. Il était plus pudique que la femme vierge qui reste dans son foyer. Ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas habituée à voir les hommes, à parler avec les hommes, et en plus, elle reste que dans son foyer. Vous imaginez ce genre de jeune fille comme elles doivent être pudiques. Nabi alayhi sallam, il était plus pudique que ces jeunes filles-là, qui sont décrites ainsi. Et la pudeur, c'est une caractéristique extrêmement importante chez la femme, chez l'homme et chez la femme, bien évidemment. La pudeur, c'est un degré élevé de la foi, mais chez la femme, elle est encore beaucoup plus importante. Pour ça, la femme, il faut qu'elle fasse attention à sa pudeur, à ne pas hausser sa voix, même quand elle est chez elle, si elle a des voisins, et même prendre des bonnes habitudes en baissant la voix. Encore pire quand elle parle avec son mari, de ne pas hausser sa voix au-dessus de son mari, et de savoir que sa pudeur, c'est la pudeur pour la femme, c'est une des plus grandes caractéristiques de la femme, c'est sa pudeur. Une femme qui n'a pas de pudeur, elle perd beaucoup de sa valeur. Et ici, vous avez vu comment était la pudeur d'un homme, qui est le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et avec sa pudeur et sa modestie, il était des hommes les plus forts dans la bataille et dans la guerre. Et Allah Azza wa Jalla a décrit les compagnons ainsi. Il a décrit les compagnons, radiyallahu anhum, il a dit, dans surat al-Fath, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dans le sens approximatif, Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres, pleins de rahma les uns envers les autres, intraitables et durs vis-à-vis des mécréants. Et malheureusement, on voit que ça, c'est devenu l'inverse chez nous. Illa man rahim Allah. Entre nous, on est dur. Et avec le kuffar, qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Et d'autres descriptions, d'autres moralités et règles de politesse de notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, seront citées plus tard. On va s'arrêter ici sur ce que l'imam Ibn Kathir a dit. Et là, il a terminé ce chapitre. Je vais vous en citer quelques autres comportements et moralités de Nabi Issa Salam dans le cours prochain, avant de parler des différents endroits dans lesquels il est allé, il a voyagé, alayhi salatu wassalam, les différentes choses qu'il a vues. Et ensuite, les gens desquels il a écouté et ceux qui ont écouté de lui, alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont écouté de lui, alayhi salatu wassalam. Et après ça, après voir le nombre des muslimines quand Allah a pris son âme, on va entrer dans la dernière partie de ce livre, dans laquelle l'imam Ibn Kathir va parler des caractéristiques du prophète, alayhi salatu wassalam, et il va les citer, comme on avait vu, il va citer ses caractéristiques par rapport aux autres prophètes, ses caractéristiques par rapport aux membres de sa communauté, et les dernières, il va les citer selon les chapitres de l'fiqh. C'est-à-dire qu'on va voir au niveau de tahara, la purification, au niveau de la salat, au niveau de la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.